Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. Des parents d'élèves en train de reprendre certains examens du deuxième trimestre pour soupçon de fraude dans les directions scolaires communales de Mukasa et Nhangwa expriment leur lamentation. Ils disent que l'organisation des épreuves en réseau est à l'origine de la fraude. Et deux jeunes filles ont déjà abandonné l'école en Provence Kayanza à la suite de violences sexuelles dont elles ont été victimes avec cet autre condisciple. Notre correspondant nous le dira. Et le reportage du jour nous fera découvrir un pont piétonnier suspendu en train d'être construit pour faciliter l'accès aux chutes de Karera en zone Shanga. C'est dans la commune Musongati de la province de Rutana. Et dans la chronique sportive, on parlera des sports d'élite. Voilà pour la sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Environnement, pour ouvrir ce journal, les eaux usées passant par le caniveau se trouvant près du marché côté bout de la zone Ngagara en mairie de Bujumbura se déversent dans la rivière Nhangwa. Selon des riverains de cet endroit, ces eaux polluent l'air qu'ils respirent et l'environnementaliste John Nwari explique que la pollution de l'eau de la rivière Nhangwa a même entraîné la diminution du poisson Mukeke dans le lac Tanganyika. Les détails avec Vestine Boutoui. Les eaux usées suffocantes, mêlées à d'autres déchets, entre autres des bouteilles en plastique hors d'usage, des restes de la nourriture et autres, coulent dans un caniveau situé en face du marché d'Ikotebu, en zone Ngagara de la mairie de Bujumbura, et se déversent dans la rivière Nhangwa. Des riverains disent qu'elles proviennent des ménages et latrines de la zone Ngagara. Pascal Nyonguru arrose les fleurs près de ce caniveau. Il y déplore l'odeur nauséabonde qui s'y dégage. Celui-ci affirme qu'il est souvent contraint de quitter cet endroit pour prendre de l'air. Il indique que cette mauvaise odeur leur coupe l'oxygène. Quand ces odeurs suffocantes se propagent dans cet endroit, nous préférons quitter le lieu car il arrive un moment où on ne respire que du gaz carbonique suite aux déchets envoyés dans ce caniveau. Son coéquipier Samuel Bigirimana pense que ces eaux polluées qui se déversent dans la rivière Nhangwa pourraient être une menace pour des êtres vivants aquatiques. L'expert en environnement John Nwari explique que les eaux usées qui se déversent dans la rivière Nhangwa s'acheminent vers le lac Tanganyika, ce qui a causé une diminution énorme du poisson Mukeke dans ce lac. Les effets environnementaux sur le lac, vous savez, ce lac qui est très beau, qui était très riche en poissons comme le poisson Mukeke qui est tellement connu dans le lac Tanganyika. Il est devenu très très rare, bien sûr à cause de ces eaux usées. L'expert Nwari conclut que les eaux usées qui se retrouvent dans des endroits inappropriés proviennent des quartiers qui ne sont pas connectés sur la station d'épuration de Buterere. Il appelle le gouvernement à intervenir pour la construction des mini-stations d'épuration à l'intérieur de ces quartiers afin de pallier ce problème. Les quartiers qui ne sont pas connectés à cette station d'épuration peuvent construire des mini-stations d'épuration dans chaque quartier, ce qui serait même moins cher et plus pratique. Ceux qui ont encore des grandes parcelles et de l'espace vert, pour eux, ça serait encore très facile d'aménager ce genre de mini-stations d'épuration. En principe, il y a moyen de traiter les eaux usées de façon que tous les eaux qui viennent de la parcelle soient traitées même au sein de la parcelle avant d'acheminer cette eau-là dans la nappe phréatique ou bien vers les canalisations publiques. Quant au chef de zone Ngagara, Franck Ernest Nandikiye, la population doit régulièrement déboucher les regards pour empêcher leur débordement. Le phénomène est là depuis plus de 2 ans. C'était un reportage de Vestine Boutoui. Éducation à présent, je vous le dis dans les titres, la peur d'échec aux examens est la cause des magouilles observées dans certaines classes de différentes écoles en mairie de Bujumbura. Certains parents d'élèves rencontrés par la rédaction Isanganiro estiment que l'organisation des examens en réseau est à la base de ces fraudes. Ils disent que refaire l'examen est gênant aussi bien pour les élèves que pour leurs parents. Ils demandent que des enquêtes approfondies soient diligentées pour que les auteurs soient punis conformément à la loi. Suivez ce micro-trottoir de la rédaction. Les examens, normalement, ce sont des étapes d'évaluation d'un élève. Et quand il y a une fraude dedans, c'est-à-dire que cet élève va avancer alors qu'il ne le mérite pas. Et donc, on se demande qui sont les auteurs de cette fraude. Cela aussi a une grande conséquence sur l'éducation parce que ces enfants, ces élèves sont le Burundi de demain. C'est eux qui vont diriger ce pays dans différents domaines. Et on se demande si vraiment ces enfants avancent frauduleusement au niveau de leurs études, qu'est-ce qu'ils vont faire demain? C'est un peu inquiétant. l'État pour les parents et l'élève ou l'apprenant. Après, c'est un peu fatigant pour l'apprenant. Vous savez, l'enfant, il est préparé psychologiquement pour la période des examens. Il compte sur le coup, donc il doit terminer et se reposer. Il ne doit pas refaire les examens et avoir les résultats escomptés comme prévu. Et c'est fatigant aussi, il faut le comprendre. Et pour les parents, c'est un peu aussi gênant. Pour l'organisation, vous savez, que ce soit les enfants et les parents, ils se préparent pour aider les enfants à faire les examens, mais aussi disposer des moyens pour déplacement. Ça demande aussi de décaisser ou de disposer d'autres moyens pour qu'ils puissent aider l'enfant à terminer l'examen. C'est une question très choquante qui déstabilise bien sûr les élèves et aussi les parents. Dans l'immédiat, les autorités de l'éducation devraient faire une enquête approfondie et voir les différents responsables, que ce soit au niveau des éducateurs, que ce soit au niveau des élèves, voir vraiment les auteurs et les sanctionner conformément à la loi et aussi faire des balises pour que dans l'avenir, cela ne puisse plus se reproduire. Pour moi, il faut comprendre, il faut que le ministère de l'Enseignement comprenne ça et fasse l'organisation des examens comme auparavant. Peut-être que ceux qui ont fait ça, ils ont pensé qu'ils doivent être derniers, donc ils ont mal préparé en volant les examens devant les enfants. C'est pas bon. Il faut que les directions auxquelles on a observé de telles tricheries, il faut qu'on donne des explications claires là-dessus et aussi donner des rapports à ces chefs hiérarchiques qui ont essayé de payer aussi le ministère pour juste trancher et identifier les auteurs de ces tricheries. Voilà, c'était quelques avis des parents rencontrés par notre reporter et la directrice provinciale de l'enseignement. Mairie de Bujumbura n'a pas encore réagi à ces lamentations de parents. Elle nous a dit qu'elle était toujours retenue par une réunion de travail. 9 jeunes élèves scolarisés en province scolaire de Kayanza ont été victimes de violences sexuelles au cours de ces deux trimestres de l'année scolaire en cours. Le conseiller pédagogique à la direction provinciale de l'éducation à Kayanza fait savoir que 2 parmi elles ont suspendu leurs études suite aux séquelles, le moral leur laissé par ces actes de violence dont elles ont été victimes. Sylvain Wakanibona, conseiller socioculturel au cabinet du gouverneur en province Kayanza, appelle les administratifs à la base en cette province à dénoncer chaque fois les présumés auteurs de ces violences basées sur le genre, afin qu'il soit traduit en justice et puni conformément à la loi. Reportage, Patrick Senghiyoumf. Selon les données chiffrées fournies par la direction provinciale de l'éducation Kayanza, parmi ces 9 jeunes filles scolarisées qui ont subi des violences sexuelles, 3 sont de la commune scolaire Kabarole, 2 de la commune scolaire Muhanga, 1 de la commune Muruta, 1 autre en commune Garombo et 2 autres des communes Rango et Taganzwa. Dissima Sindouimana, conseil pédagogique à la direction provinciale de l'éducation Kayanza, indique que les 7 jeunes filles élèves du poste fondamental ont pu continuer leurs études tandis que les 2 qui étaient au fondamental ont suspendu leurs études. La raison de cette suspension, poursuit-il, en est que ces jeunes filles violées disent qu'ils ont été traumatisés par ces violences qu'ils ont subies et craignent être humiliés par leurs camarades une fois retournés à l'école. Issuma Sindouimana indique que les auteurs des violences sexuelles faites aux jeunes filles scolarisées sont principalement certains enseignants mal intentionnés et d'autres particuliers. Cette autorité demande à ses enseignants éducateurs d'en découdre avec son mauvais comportement de violer celles qu'ils sont censés éduquer, car, explique-t-il, c'est une honte pour eux et pour le secteur éducatif en général. Et aux parents d'élèves, ce conseil pédagogique à la DP Kayanza leur demande d'éviter d'être corrompus par les présumés auteurs des violences faites à leurs enfants, mais plutôt de les traduire en justice. Au niveau de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, Antenne Kayanza, l'on se dit inquiet de l'augmentation des cas de violences sexuelles basées sur le genre en cette localité. Sylvie Wakanibona, conseiller socio-culturel du gouverneur à Kayanza, demande aux administratifs à la base d'éviter l'arrangement à l'amiable entre les 2 parties, mais plutôt de dénoncer les présumés auteurs des violences basées sur le genre. Depuis Kayanza, Patrick Senghiyoumf pour Radio Isanganilo. Vous n'avez pas Isanganilo? Vous ratez l'essentiel. 13h06 à Bujumbura et sur Isanganiro, la suite de ce journal. Certains habitants de la commune de Gisuru, récemment rapatriés, qui ont retrouvé leur maison déjà effondrée, demandent un appui pour qu'ils puissent reconstruire leur maison. Cette demande est également formulée par certaines familles ayant accueilli des rapatriés qui se trouvent dans une situation de promiscuité. L'administrateur de la commune Gisuru sollicite le concours de leurs voisins et des organisations qui s'occupent des rapatriés car la commune seule ne pourrait pas s'en charger. Jean-Claude Nchimilimana. Angelo Ngurinzira, arrivé au Burundi il y a de cela 3 semaines, est l'un des Burundais rapatriés de la Tanzanie qui retrouvent leur maison déjà effondrée. Cet homme heptogénaire, à la tête d'un couple ayant un enfant, a été accueilli par une parenté à la colline Rukobe en commune Gisuru de la province Ruyigi. Au retour d'exil, j'ai retrouvé ma maison effondrée. Je suis actuellement hébergé par mon frère. Je n'ai pas d'autre choix. Construire une maison, je n'en suis pas capable. Aidez-moi à avoir une maison. Faisant face à une promiscuité, cette famille hôte, elle aussi rapatriée en septembre dernier, demande un appui en faveur de cette famille rapatriée. Je l'héberge parce que c'est une parenté. Je croyais que je pouvais lui céder cette maisonnette, mais la toiture laisse passer l'eau de pluie. Nous couchons nous tous dans cette maison et cet enfant, par exemple, a du mal à trouver une place pour se coucher. Donnez-lui des tôles pour qu'il puisse chercher des perches, les implanter et couvrir afin d'avoir où se loger parce qu'il ne peut pas rester dans cette maison. C'est impossible. Gad Ninganza, administrateur de la commune Gisuru, fait savoir que l'effectif de rapatriés dont leurs maisons se sont effondrées est élevé au point que la commune seule ne pourrait pas s'en charger. À cet effet, il sollicite le concours des voisins et des organisations qui s'occupent des rapatriés. Nous demandons aux communautés de pratiquer la coutume ancestrale d'entraide pour aider ces rapatriés actuellement sans abri à construire des maisons à moindre coût. Je demande aussi aux organisations qui s'occupent des réfugiés de s'efforcer à intervenir en faveur de ces rapatriés dont leurs maisons se sont effondrées. Cette autorité communale indique que l'effectif de rapatriés de cette commune a augmenté dans ces jours comparativement au mois dernier. Jean-Claude Nshimirimana, depuis la colline Rukobe, en commune Gisuru de la province Ruyigi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude. Et les anciens habitants de Gatumba actuellement vivant dans les sites de Mafubo et Sobel, en zone Maranvia de la commune Mutimbuzi, se lamentent et disent qu'ils sont confrontés à la pauvreté. Ils demandent aux bienfaiteurs de leur octroyer une assistance surtout alimentaire. Mais de son côté, le gouverneur de la province de Bujumbura explique que l'urgence n'est pas une assistance alimentaire, mais plutôt une réinstallation. Spes Caritas Kabanyana. Se déplacer du site de Mafubo et Sobel à la 13e transversale de la zone Maranvia dans la commune de Mutimbuzi se compte en 667 ménages, au total 1728 personnes, selon Alain Jimmy Igraneza, représentant les deux sites Sobel et Mafubo. Certains de ces déplacés nous ont signifié qu'ils sont confrontés à la pauvreté et que la dernière assistance alimentaire date du mois de décembre l'année passée. Ils demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide, surtout en ce qui est de l'assistance alimentaire. Le gouverneur de Bujumbura explique de son côté que ce qui est urgent n'est pas une aide alimentaire, mais plutôt une réinstallation. Désiré Nsengiyumva, gouverneur de Bujumbura, indique que le ministère de la Solidarité, en collaboration avec l'administration et d'autres services qui œuvrent dans le domaine des déplacés, ont déjà commencé les travaux afin que ces déplacés retournent dans leur propriété. Le gouverneur Désiré Nsengiyumva précise que ces personnes sont divisées en 3 catégories. La première catégorie, composée des gens qui étaient des locataires à Gatumba, ils vont louer alors des maisons ailleurs. La deuxième catégorie est celle des habitants de Gatumba dont les parcelles ne sont plus inondées, ils vont y retourner. Et la troisième catégorie est celle des gens dont les parcelles sont toujours inondées, ils vont bénéficier d'autres parcelles ailleurs. Spécialitas Kalanyana en zone Maranvia de la commune Mutimbuzi pour la radio Isanganiro. Merci Spécialitas. Quelques nouvelles brèves en international. Covid-19, l'étude conjointe des experts de l'OMS et chinois a conclu que la transmission à l'homme par un animal intermédiaire est une hypothèse probable à très probable. Selon la version finale du rapport dont l'AFP a obtenu une copie, les spécialistes ont jugé que, compte tenu de la littérature sur le rôle des animaux d'élevage en tant qu'hôte intermédiaire pour les maladies émergentes, il est nécessaire de réaliser d'autres enquêtes incluant une plus grande étendue géographique. Et concernant l'hypothèse d'une fuite d'un laboratoire, les experts estiment dans leur rapport que cela est extrêmement improbable. Et c'est un pas de plus vers la paix au Soudan. Les autorités de transition ont signé ce dimanche 28 mars au Soudan du Sud une déclaration de principe avec le mouvement populaire de libération du Soudan Nord. l'un des premiers groupes rebelles du pays. Le texte servira de base à de prochaines négociations de paix. Son mouvement, dirigé par Abdelaziz Al-Hilou, avait refusé en octobre de rejoindre les accords signés à Djouba avec différents groupes rebelles tant que Khartoum n'accepterait pas de séparer l'État de la religion. Et les résidents de Palma, au nord-est du Mozambique, qui a été le théâtre mercredi d'une attaque djihadiste, attendent des nouvelles de leurs proches. L'attaque a coûté la vie à des dizaines de personnes, selon les chiffres publiés ce dimanche par le gouvernement. Depuis octobre 2017, date du début des attaques terroristes dans la région, plus de 600 000 personnes ont abandonné leurs habitations alors que 2600 autres ont été tuées. Radio Isanganiro, chronique sport. La chronique sportive d'aujourd'hui concerne l'organisation des compétitions dans le sport d'élite. Laurent Zeimana, directeur général des sports d'élite au sein du ministère en charge du sport, explique que les jeux pratiqués dans le sport d'élite sont régis par les normes nationales. Les détails dans cette chronique sportive avec Evariste Nzikobanyanga. Le sport d'élite requiert certaines autres règles par rapport aux lois du jeu et par rapport à l'âge. D'après Laurent Zeimana, directeur général du sport d'élite au sein du ministère ayant le sport dans ses attributions. Le sport d'élite réitère certaines règles, certaines rigueurs par rapport aux lois du jeu, par rapport à l'âge même, par rapport au respect des normes internationales, pour que tout pratiquant doit s'y conformer, doit prendre comme référence les règles du jeu, les normes internationales, et ainsi se mesurer au niveau international. Donc c'est le sport de haut niveau qui revêt un caractère rigoureux, parce qu'on doit s'entraîner, on doit prendre comme référence le minima, et ainsi réaliser le minima, les performances voulues pour être classé parmi les autres. L'objectif de ce sport est de se comparer aux autres élites au niveau mondial selon les minima réalisés dans leurs pays respectifs, explique Laurent Zeimana. Ce sport d'élite, c'est juste pour se comparer aux autres élites au niveau mondial. Il y a des références. Les références, c'est le sport qui est géré par une fédération internationale au niveau mondial qui arrête des règles. Et chaque pratiquant doit souscrire, chaque pratiquant doit se référer à ses règles et ainsi se comparer aux deux autres élites au niveau mondial. Je ne parle pas de l'Antiquité ou des temps anciens ou des Jeux Olympiques, mais les fédérations internationales ont des règles qui sont divulguées, qui sont disséminées à travers toutes les fédérations nationales et par voie de conséquence aux athlètes nationaux, et ces athlètes lisent, comprennent, se mesurent. Ce directeur de sport d'élite au sein du ministère en charge du sport indique qu'au Burundi, à peu près une trentaine de fédérations participent aux compétitions de sport d'élite. Au Burundi, à l'heure que je vous parle, nous avons une trentaine de fédérations affiliées aux fédérations internationales. Et par an, si les moyens le permettent, selon les fédérations, chaque fédération nationale participe au championnat du monde. Et là, c'est pour mesurer de la tête burundais par rapport aux références internationales et ainsi arracher son classement au niveau mondial. Ça veut dire que les 38 fédérations opèrent au Burundi. Il y en a qui sont réguliers, mais rares arrivent à la phase finale du championnat mondial. Dans la prochaine chronique sportive, Laurent Zeimana nous expliquera comment sont organisés les sports de masse. À la source, reportage. Et on va maintenant à la découverte des chutes de Karera en zone Shanga de la commune Musongati. C'est dans la province de Rutana où un pont piétonnier suspendu est en train d'être construit par l'agence routière du Burundi, précise un cadre de cette agence. Outre cette construction, le gouverneur de la province de Rutana indique que la route menant à ce site va être réhabilitée pour un accès facile par les visiteurs de ce site touristique. Mireille Kanyange y a été pour nous. Voici son reportage. Pour accéder au site des chutes de Karera situé en zone Shanga de la commune Musongati, l'on passe par une barrière gardée par des agents de l'Office pour la protection de l'environnement au BPE Rutana, puis l'on est guidé par ces agents jusqu'aux 5 chutes d'eau. Egide Siniriwe est l'un de ces guides, il nous parle des 5 chutes. Les 5 chutes sont constituées par 2 rivières, même les noms sont différents. La première est appelée chute Nyakai première, une autre à côté d'une même rivière est appelée chute Nyakai 2. La troisième chute provenant d'une propre rivière est nommée chute Mwaro. Ngaro et Nyakai sont deux rivières différentes. Elles se croisent pour constituer une autre, à savoir Karera. Karera est en deux parties. Karera première qui donne Karera 2 d'une grande quantité d'eau, puisque provenant de deux rivières avec une forte pression. Au-dessus de ces chutes d'eau, un pont piétonnier suspendu est en cours de construction pour faciliter les touristes, précise Serge Sindimo, responsable de ce genre de pont à l'agence routière du Burundi. C'est un nouveau concept au Burundi qui a été introduit déjà avec l'aide de la Banque africaine de développement, qui inclut dans chaque projet de route une composante pour la construction de ces ponts. Nous sommes maintenant à la deuxième phase, parce que la première phase était la phase pilote, qui a été achevée en 2014. Maintenant, nous menons une deuxième phase de construction. De ces ponts. Ces ponts sont mis dans ces endroits où vraiment la traversée pour les populations c'est très difficile. C'est là où on met ces ponts vraiment pour les gens à traverser en toute saison. Ce pont piétonnier suspendu est à 80% d'exécution et la fin des travaux est prévue pour fin avril de cette année. Développer ce site touristique passera également par la réhabilitation de la route y donnant accès. Une idée en train d'être mûrie, dit Olivier Nibitanga, gouverneur de la province route. La forêt abritant ce site touristique héberge également des singes, des serpents, des gazelles, des lapins et des oiseaux de différentes espèces. Mireille Kanyang est de retour de Routana. Ainsi se referme ce journal. Il est 13h18 minutes à Bujumbura et sur Isanganiro. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal qui a été mis en onde par Eric Wimana. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Au micro, Jean Bosco, nous Wimana. Passez un très bon après-midi.